Chapitre 11e. Deux jours plus tard, Chérency débarquait à Cotteray, encore vide de baigneurs, car juillet commençait à peine. Mais il comptait sur cette solitude, et son intention, précisément, était de s'enfoncer dans la montagne aussitôt que le monde arriverait. Il avait hésité d'abord entre les Pyrénées et les Alpes. Le pittoresque plus chaud, plus facile à embrasser de la chaleur du midi, avait fixé son choix. Car il s'agissait pour lui moins de voyager que de peindre. Cruellement meurtri, Paul savait par expérience qu'il n'est ici-bas contre le chagrin qu'un seul remède, le travail. Le bruit des voix humaines étourdit la douleur. Le changement des lieux la distrait pour un instant. Le travail seul, continué avec une volonté forte, peut la guérir. Le travail est la seule maîtresse qui n'est jamais déçue, jamais rebutée, jamais tromper ceux qui l'aiment. Chaque matin, Chérency faisait à pied l'ascension du lac de Gobe, où il avait entrepris une grande étude. Cette montée de 2 heures dans la gorge encore sombre, toute humide de la rosée du ciel et de la vapeur des cascades grondantes, lui faisait du bien. À l'arôme énergique des pins, ses poumons se dilataient. Son cœur même était alors moins serré. Et cette heure de la journée lui semblait la meilleure de toutes. Au lac, dans la pauvre auberge rouverte depuis peu, il retrouvait sa toile, son parasol et son attirail de peintre. Alors il gagnait la place qu'il avait choisie, sur le bord désolé du bassin aux yeux bleus, énorme saphir enchâssé dans le granit, et il se mettait au travail, se hâtant fiévreusement pour chasser la pensée importune. Aussi l'aubergiste, trompé par cette âpreté à la besogne, le croyait pauvre, et avec de grandes recommandations de silence, il avait offert d'abaisser pour lui ses tarifs. Les touristes étaient rares. Souvent Paul achevait sa séance, n'ayant eu d'autre visite que celle de son hôte, de la femme de ce dernier, jolie basquaise aux yeux noirs, et de 2 adorables fillettes, toujours escortées d'un chien plus haut qu'elle. Parfois, des chasseurs d'isards lui demandaient du feu pour leur pipe à la monture de cuivre, ou bien quelques pêcheurs de truites faisaient sonner dans les rocailles, au-dessous de lui, les crocs d'acier de ses lourds sabots, tout en fouettant l'air de sa gaule. Mais les grands admirateurs de sa peinture étaient les contrebandiers espagnols, chaussés d'espadrilles, coiffés du bonnet rouge qui circulaient sans bruit, comme des chats, sautant de pierre en pierre, malgré leur charge énorme. Ils s'arrêtaient derrière Paul pour souffler, roulaient une cigarette, et se montrait avec ravissement la toile où se dressait le grand mignemal encore neigeux jusqu'à la base de son cône. Un jour, l'un de ces montagnards naïfs amusa beaucoup le peintre en lui demandant si l'on aperçoit le vignemal de Paris. « Non, » répondit Paul en riant, « les maisons en empêchent. » Mais les contrebandiers partis, le pauvre garçon n'avait plus envie de rire. « Plutôt ciel, » pensait-il, que cette montagne fût assez haute pour permettre à mon regard de découvrir l'endroit où il se cache. Comme j'aurais vite fait l'ascension. Et comme je me sentirais soulagé après avoir châtié l'homme maudit qui a dévasté ma vie. Car il ne doutait plus, à cette heure, qu'il n'eût été victime d'une ruse adroitement ourdie. Et moi, songeait-il, les poings crispés, j'ai poussé l'obligeance jusqu'à m'éloigner de Paris pour les laisser partir tout à leur aise. Ce jour-là, vers 5 heures du soir, en traversant l'esplanade des œufs pour rentrer à son hôtel, Chérency constata, non sans ennui, que le nombre des baigneurs avait doublé depuis la veille et qu'il fallait planter sa tente dans un lieu plus paisible. Comme il continuait sa marche, fouillant du regard les groupes de promeneurs où il craignait de rencontrer des visages connus, il fut arraché de sa préoccupation par un bruit de voix qui criait à plein poumon tout près de lui avec un ensemble parfait « À bas les gendarmes !» Il s'arrêta en bon parisien pour regarder l'émeute et fut rassuré incontinent à la vue des insurgés qui, assis en rond au pied d'une guérite bariolée, n'avaient pour armes que des bâtons de sucre d'orge qu'ils brandissaient frénétiquement. Ce n'était pas la première fois de sa vie que Paul assistait au démêlé de Polichinelle avec Pandore. Mais le directeur du théâtre Guignol à Cotteray est un habile homme qui a trouvé le moyen non seulement d'avoir toujours salle comble, mais encore d'avoir un public qui joue la pièce avec lui et pour lui. Là, le vrai dialogue s'échange d'un côté de la rampe à l'autre. Polichinelle cause avec ses spectateurs. Il n'a rien de caché pour eux. Il reçoit leurs avis, les discute au besoin et ne dédaigne pas à l'occasion d'interrompre son rôle pour mettre sa petite main de bois dans la main pas beaucoup plus grande d'une abonnée qui arrive en retard. Il connaît par leur nom bon nombre de ces messieurs et de ces demoiselles. C'est un ami pour eux, et la dernière scène venue, il s'enquiert du dénouement qu'on aime le mieux ce jour-là. Supplice ou évasion, enterrement ou mariage, peu lui importe pourvu qu'on soit content. Aussi Polichinelle peut compter, à la vie et à la mort, sur ce public reconnaissant dont il a toutes les faveurs. Quand le gendarme s'avance à pas de loup pour saisir au collet son ennemi irréconciliable, il sort de toutes ses poitrines d'enfant des cris aigus à faire tomber les hirondelles. « Prenez garde, il arrive, il a un gros bâton !» Qu'il s'agisse de déménager clandestinement son mobilier saisi ou de faire disparaître le corps de sa femme assassinée, Polichinelle n'a qu'à suivre les avis du parterre qui sait d'ailleurs, au bon moment, tirer son favori d'affaires par un faux témoignage corsé. Ce jour-là précisément, Polichinelle avait commis un de ses péchés d'habitude. Il venait d'assommer Colombine et convenait ingénument qu'il avait frappé un peu fort. « Mais aussi, plaidait-il, quelle personne insupportable, vous l'avez vu, elle ne veut rien entendre. Et quand les femmes ne sont pas obéissantes, on est bien obligé de les battre. » L'immense majorité du public, aveugle dans sa faveur, comme d'autres publics moins jeunes, donna raison à cet époux trop à cheval sur ses droits. Mais une grande fillette de 10 ans se leva pour mieux se faire entendre. « Non, dit-elle gravement, il ne faut jamais battre les femmes, et vous êtes un méchant, monsieur Polichinelle. » « Oh, mademoiselle Marthe, implora le meurtrier, comme vous êtes sévère pour moi. D'ailleurs, qui sait, ma pauvre Colombine en reviendra peut-être, elle avait la tête si dure. » Paul avait été frappé de la tournure et de la voix de l'enfant. Au nom de Marthe qu'on lui donnait, il la regarda mieux. C'était la petite de Chalonne. Il songea tout d'abord à rentrer chez lui sans donner signe de vie, à fermer sa malle qui n'était pas grosse et à partir aussitôt le matin venu. Aussi bien, sa toile du lac de Gob était presque achevée, et chaque matin des centaines de visages nouveaux s'abattaient sur la ville. Pour un homme cherchant la solitude et le repos, Cotteret n'était plus un lieu tenable. Cependant, il y avait 15 jours que Chérency n'avait échangé une parole avec un être humain digne de ce nom. Depuis son départ de Paris, il n'avait plus de nouvelles de Nadia. Fallait-il s'éloigner sans causer une heure avec la comtesse de Chalonne, qui certainement lui en donnerait? Il soupira, en songeant au temps déjà bien éloigné, où Madame Fresnel se montrait si tyranniquement jalouse de sa cousine et des autres femmes. Désormais, pensa-t-il, je n'aurai plus à souffrir de sa jalousie. Et il comprit comment on regrette, à certains moments, ce qui, au temps du bonheur, paraît insupportable. Cependant Guignol congédiait ses spectateurs, qui vidaient l'enceinte en passant sous les cordes sans beaucoup se baisser. Voilà une salle de spectacle où l'incendie n'étouffera jamais personne. La jeune Marthe, vu son âge imposant, sortit gravement par l'ouverture laissée libre. Une bonne respectable l'accompagnait. Tout à coup elle aperçut son peintre ordinaire, resté son grand ami depuis qu'elle avait eu l'honneur de poser devant lui quelques années plus tôt. Elle le regarda, le reconnut malgré son accoutrement de touriste, et en personne bien élevée, courut d'abord lui sauter au cou. « Vous êtes ici, quel bonheur !» s'écria-t-elle. « Et comme petite mère va être contente !» Déjà elle tenait Chérency par la main et l'entraînait, sans s'inquiéter de sa suivante, dans la direction opposée à la ville. On dépassa le casino, puis on prit à droite une allée déserte. Là, sur un banc protégé par une ombre épaisse, une femme lisait attentivement. À cause de la fraîcheur déjà tombante, sa tête et ses épaules se drapaient dans un nuage de laine rouge qui accentuait singulièrement sa fière beauté. « Maman !» cria Marthe en posant ses deux petites mains sur les yeux noirs de la lectrice. « Devinez qui je vous amène !» À l'aspect de Paul, une leurre de plaisir éclaira le visage mat de la comtesse. Elle tendit la main au nouveau venu d'un geste plein de franchise. « Comment vous êtes ici ? Par quel hasard ? » Elle s'interrompit et devint rouge, sentant qu'elle ne pouvait achever sa phrase. Monsieur de Charency avait-il laissé Nadia à Paris? Était-elle partie de son côté? Pourquoi se quittait-il? Ou bien au contraire avait-il osé se donner rendez-vous dans les Pyrénées? Par quel hasard, reprit-elle pour achever sa question, n'ai-je pas vu votre nom sur la liste des baigneurs? C'est qu'en effet, madame, je ne suis pas un baigneur, mais un pauvre peintre en tournée. Je suis arrivé avant la première liste et je m'apprête à fuir la cohue élégante. Demain, à cette heure-ci, je serai loin. Et sans mademoiselle Marthe? Monsieur de Chirancy était à Guignol, expliqua l'enfant du même air d'importance qu'elle lui dit. Nous nous sommes rencontrés à la sortie des Italiens. En effet, j'étais à Guignol où la représentation était superbe. Je puis même vous annoncer que votre fille ne marche pas sur les traces de madame Sganarelle. D'après ce que j'ai vu, nous n'aimerons point à être battus. Il raconta l'incident et le plaisir qu'il y avait pris. Mon Dieu, fit Claire, que vous êtes heureux d'être si jeune et de pouvoir vous amuser de si peu. Cependant, répondit-il, je ne me suis jamais senti moins de jeunesse et moins d'envie de m'amuser. Sa physionomie, devenue subitement très morne, confirmait cette affirmation. S'apercevant que la comtesse le regardait, un peu étonnée, il secoua sa tristesse et fit enfin la question qu'il brûlait de faire. « Savez-vous quelque chose de Paris, madame ? » demanda-t-il de l'air le plus dégagé qu'il put. « Voici 15 jours que je n'ai lu ni un journal ni une lettre. »« Je ne peux pas en dire autant, » répondit Claire, fort intriguée. « J'ai lu force journaux et pas mal de lettres, mais parmi ces dernières, aucune n'était datée de Paris. » À tous les deux, le même nom venait sur les lèvres, mais ils ne l'auraient pas prononcé en ce moment pour tout l'or du monde. « Est-ce qu'ils sont brouillés ?» pensait la comtesse. « Ils en ont terriblement l'air. Pauvre Nadia, elle n'ose pas me le dire. » « Dieu sait ce qu'elle est devenue, » songeait Paul, fort troublé. « Voilà qu'elle n'écrit même plus à sa meilleure amie. » L'heure du dîner approchant, madame de Chalonne se leva, et tous trois regagnèrent la ville en traversant l'esplanade des œufs. « Je suis comme vous, » disait la comtesse. « Je fus le monde, et sans cet enfant, vous ne m'auriez pas trouvé à Cotteray. » Mais la vilaine tous. Il faut une saison. 25 jours de solitude au milieu de la foule, quel ennui. N'y a-t-il donc ici personne qui puisse être admis dans votre intérieur de recluse? Personne, excepté Lucien Sireuil, notre ami commun, je crois. Certes. Sireuil est ici, où demeure-t-il? Hôtel de Navarre. Que diriez-vous si je l'allais prendre après dîner et si je le priais de me conduire chez vous? Oh oui, maman! S'écria la jeune Marthe en sautant de joie. Comme la comtesse hésitait, malgré la postille mise à la demande. « Ne dites pas non, » insista Paul. « Demain, je serai loin. Vous n'avez point à craindre d'établir un précédent dangereux. »« Venez donc, » répondit Claire. Et Chérency la quitta. Vers 8h30, les deux hommes sonnaient à la porte du petit cottage que madame de Chalonne habitait seule avec sa fille et deux femmes de service. Ils avaient déjà causé le long du chemin, mais Paul avait pu se convaincre que l'avocat, parti de Paris bien avant lui, ne savait rien de particulier sur madame Fresnel. La comtesse, très belle dans son élégante robe de laine blanche, reçut les deux Parisiens comme des intimes. D'abord, la présence de Marthe retint la conversation dans un cercle à la portée d'une enfant de cet âge. Claire n'était point de ces mères qui considèrent une fille comme un meuble encombrant et la relègue à l'écart avec un livre d'images. Elle s'en occupait, et savait bon gré aux autres de s'en occuper avec elle, non pour la gâter, mais pour l'instruire. La fillette partie, on causa plus à l'aise, et Sireuil donna carrière à sa verve. Il faut dire qu'il était seul à être en verve sur trois. Les deux autres personnages l'écoutaient d'un air plus que tranquille. Bientôt lui-même sentit s'éteindre son animation. « Je gage, dit-il après un silence, que nous pensons tous trois à la même personne. Une personne chez qui nous nous trouvions la dernière fois que nous fûmes ensemble, votre cousine, chère Marthe. En effet, reprit la comtesse, je pensais à Nadia. Que n'est-elle ici? Demain, il faudra que je l'écrive, car j'ignore ce qu'elle devient. Elle doit mourir d'ennui à Paris. » pour la distraire, dit Sireuil. Contez-lui l'infidélité que vient de lui faire un de ses admirateurs, le beau Roxervière. » À ces mots, Madame de Chalonne regarda Paul instinctivement et s'aperçut qu'il devenait atrocement pâle, comme personne ne disait rien. « Bon, » fit Sireuil, « je plaisante, et je ne me permettrai pas cette plaisanterie si nous ne savions tous trois quelle femme est Madame Fresnel. Mais écoutez mon histoire et dites si elle n'est pas drôle. Vous connaissez l'un des deux héros, Roxervière. » « Et l'autre ?» demanda la comtesse. « L'autre est une héroïne. Je ne la nommerai pas, s'il vous plaît. J'ai des égards pour les dames, surtout pour celles qui seront un jour vraisemblablement mes clientes. Il faut savoir qu'en quittant Paris, je suis allé d'abord en compagnie d'un ami à Saint-Jean-de-Luz. L'endroit est charmant, mais fort petit, et la place y est rare. Les hôtels étaient pleins, si bien que dans le meilleur, on nous offre deux mansardes. Nous les prenons, car il fallait bien coucher quelque part. Le lendemain matin, comme de juste, nous parlons de déguerpir, supplication de l'hôte, promesse pour le jour suivant, de deux chambres excellentes. Bref, nous restons, et en attendant le déjeuner, nous allons faire un tour sur la plage. Ici, apparition de l'héroïne que mon ami me nomme tout bas. Jolie femme, pimpante, souriante, élégante et du meilleur monde. « Je la connais ?» demanda la comtesse. « De nom assurément, si vous êtes abonné au sport. On me présente, nous causons. » La dame nous raconte que son mari n'a pu quitter Paris en même temps qu'elle. D'abord, elle avait songé à Biarritz, mais elle n'a pas voulu se montrer seule dans un endroit si brillant, tandis qu'à Saint-Jean-de-Luz. Enfin, un télégramme vient d'annoncer le départ de monsieur pour ce soir même. Demain matin, madame le rejoint à Bayonne. Au même instant, qui est-ce qui tombe dans mes bras, radieux et épanoui ? Roxervière. Vous l'avez dit, madame. Ce farceur-là semblait si peu connaître la voyageuse que j'ai l'obligeance de la lui nommer. Ce qu'ils ont dû se moquer de moi ensuite. Roxervière nous apprend qu'il part le lendemain lui aussi, mais pour Paris. « Quel jour était-ce ? » demanda Paul, qui n'avait pas dit un mot depuis le commencement de l'histoire. « Quel jour, attendez ? C'était... Il y a eu 3 semaines avant-hier, mais je n'ai pas fini. La journée se passe, la soirée aussi, sans qu'aucun des deux personnages reparaisse. Le lendemain, vers midi, Madame part directement pour Bayonne, en landau. Une heure après, Monsieur le Marquis se rend à la gare, modestement par l'omnibus. La portière à peine fermée. Maintenant, messieurs, nous dit l'hôte, vous allez être bien logés. Nous nous précipitons pour voir nos chambres, excellentes en effet, et communiquons ensemble. Celle de la vicomtesse, ah, nous avons déjà son titre, constata Claire. Bah, il y a plus d'un Martin à la fois, et vous ne savez rien du tout. La chambre de la vicomtesse, vous disais-je, embaumait tous les parfums d'Arabie. Je refuse de la prendre, crainte de migraine. Oh, surprise! Dans celle de Roxervière, parfum aussi violent est tout à fait identique, si bien que mon ami et moi avons éclaté de rire en y mettant le pied. Vilains hommes, comme si l'odeur n'avait pas pu passer sous la porte. Je crois, madame, qu'elle ne s'était pas donné tant de peine, et qu'elle avait bien passé par la porte, avec autre chose, probablement. Les maladroits avaient oublié de remettre le verrou, chacun de son côté. Et maintenant, fiez-vous aux apparences. Si je n'avais connu votre cousine comme je la connais, j'aurais juré que ce profond scélérat de marquis lui faisait un doigt de cour et qu'elle n'en était pas trop fâchée. Paul n'aurait pu dire comment il rentra chez lui ce soir-là, ni de quelle façon il avait pris congé de Madame de Chalonne. Le chagrin, le dégoût, la colère se disputaient son âme. Ainsi, la femme qu'il aimait, qu'il croyait douée d'un bon sens à part, cette Nadia si raisonnable, s'était laissée prendre à l'insultant stratagème d'un roué. Cette fuite, désespérée en apparence, qui avait amené sa chute, n'était qu'une équipée galante en l'honneur d'une autre. C'était en se jouant d'elle que Roxervière l'avait fascinée. « Oh, femme » gronda-t-il dans sa colère de nouveau réveillée. Êtres ingrats, insensés, fragiles, anges de notre bonheur, dont un souffle qui passe fait le démon de notre vie. Nadia, Nadia, Es-tu donc plus heureuse maintenant ?» Dans sa rancune amère, il se mit à sa table pour écrire à l'infidèle et l'accabler de sa honte en lui apprenant de quelle ruse vulgaire elle avait été la victime. Un sentiment plus noble l'emporta bientôt chez lui. « Non !» s'écria-t-il en jetant sa plume loin de lui. « Plus jamais elle n'entendra ma voix ni ne verra mon écriture. Qu'un autre la punisse le jour de son châtiment venu. Je l'ai aimée. Je n'ai pas le droit de porter la main sur elle. »